Nombre chapitre 12. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse, n'a-t-il point aussi parlé par nous, et l'Éternel ouit cela. Or cet homme, Moïse, était fort doux, et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Et incontinent l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, et à Marie, venez-vous trois au tabernacle d'assignation. Et ils y allèrent eux trois. Alors l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et se tint à l'entrée du tabernacle, puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent eux deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles, s'il y a quelque prophète entre vous, moi qui suis l'Éternel, je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle en toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et il me voit en effet, et non point en obscurité, ni dans aucune représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ainsi la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla. Car la nuée se retira de dessus le tabernacle, et voici, Marie était lépreuse, blanche comme neige, et Aaron, regardant Marie, la vit lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, « Hélas, mon Seigneur, je te prie, ne mets point sur nous ce péché, car nous avons fait follement, et nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit point comme un enfant mort, dont la moitié de la chair est déjà consumée, quand il sort du ventre de sa mère. » Alors Moïse cria à l'Éternel, en disant, « Ô Dieu fort, je te prie, guéris-la, je t'en prie. » Et l'Éternel répondit à Moïse, « Si son père lui avait craché en colère au visage, n'en serait-elle pas dans l'ignominie pendant 7 jours? Qu'elle demeure donc enfermée 7 jours hors du camp, et après elle y sera reçue. » Ainsi Marie fut enfermée hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit point de là jusqu'à ce que Marie fût reçue dans le camp.